Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Pourquoi s'aimer toute une vie? Pourquoi vouloir s'éterniser? Pour un